petite sœur porte le string, oh, joue les bimbos, prends pour Gino. Mais t'es pas dans un clip, la vie c'est pas ça, pas une histoire de frip. À chaque coin de rue y'a un pédophile qui porte pas de slip. Sous son impair, des airs de pervers, le genre de mec prêt à tout faire. Petite sœur n'a aucune conscience de ses actes, à ses yeux la starak est une science exacte. À peine 12 ans et demi, veut sortir en boîte de nuit. Suffirait qu'un blinder lui demande, elle le suit. Elle a tèche Barbie en l'air, contre un rouge à lèvres. Car pour elle l'apparence vaut mieux que la connaissance. Elle préfère se faire belle, se la pète, jouer la gazelle, ou bien passer des heures devant son faux tel. Petite sœur n'a plus d'avenir, ou bien elle le gâcherait pour Noël ou Jennifer. C'est sûr, c'est déjà fait. Petite sœur a voulu grandir trop vite. Petite sœur a cru que la vie c'était un clip. Petite sœur formatée par la télévision, les clips, les castings sont ses seules visions. Petite sœur a voulu grandir trop vite. Petite sœur a cru que la vie c'était un clip. Petite sœur formatée par la télévision, les clips, les castings sont ses seules visions. Fais gaffe à ta petite sœur, la laisse pas traîner. Petite sœur si jeune, sur la club vénéné. Petite sœur à 12 ans, parle déjà des bébés. Petite sœur à 13 ans, veut se faire baiser. J'ai pas de petite sœur mais j'avertis ceux qui en ont une. Petite sœur se maquille avec ses copines, elle fume. Petite sœur se fait belle pour les garçons. Petite sœur veut se faire baiser de toute façon. Petite sœur à la maison joue la sérieuse. Petite sœur au lycée est une grande allumeuse. Petite sœur face à toi garde une image sainte. Petite sœur à 16 ans tombe enceinte. Petite sœur part de haram, ne donne pas sa chatte, mais elle tombe son cul pour qu'on l'éclate. Ne fais pas confiance à ta petite sœur, elle te décevra sans penser à ton cœur. Petite sœur a voulu grandir trop vite. Petite sœur a cru que la vie c'était un clip. Petite sœur formatée par la télévision, les clips, les castings sont ses seules visions. Petite sœur a voulu grandir trop vite. Petite sœur a cru que la vie c'était un clip. Petite sœur formatée par la télévision, les clips, les castings sont ses seules visions.